Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 36e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Jacob Cohen. Jacob, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Jacob, vous êtes écrivain, auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont les deux derniers sont parus aux éditions Contre-Culture. Alors je les cite, Le Commando de Hébron, dont nous avons parlé dans une précédente émission, et Confession d'un Saiyan, sorti dernièrement, disponible sur le site contreculture.com et dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant cela, chers auditeurs, sachez que je suis accompagné, comme chaque semaine, de mon co-animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour Jacob, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Jacob Cohen, pour nos auditeurs, je vais faire le pitch de votre dernier livre, Confession d'un Saiyan. Adrien, épigiste au journal Libération, divorcé, juif non pratiquant, éloigné de toute préoccupation politique, rencontre Jacqueline, une juive engagée dans une cause qui lui tient à cœur, le sionisme. S'ensuit des scènes de sexe, dont Jacob nous aurons à reparler, et qui attachent progressivement Adrien à cette cause, le fait entrer dans les cercles sionistes, et plus précisément, le Bnei Brit. Votre livre, c'est donc les confessions d'un jeune homme devenu Saiyan. Jacob, est-ce que ces confessions sont en fait les vôtres ? Pas du tout. Si vous voulez, maintenant je comprends la question, c'est-à-dire, il y a plusieurs aspects dans cette question. Il est vrai que, par certains côtés, certains aspects, j'ai eu une trajectoire à peu près similaire dans le sens où j'étais embarqué dans une cause, et puis après, je l'ai abandonné. Par la suite, je dirais qu'entre la vie d'Adrien, qui a 50 ans, qui a été marié pendant 20 ans, et qui a travaillé à Paris, qui a toujours été à Paris, nos trajectoires sont totalement opposées. Les seuls points de rencontre seraient une vision du monde politique, une vision de l'autorité, une vision des religions et peut-être aussi un instinct, je dirais peut-être pas de survie, mais un instinct de reprendre ses esprits et de ne pas s'enfoncer trop en avant. Et si vous pensez aux scènes, disons, chaudes ou érotiques, là, je ne sais pas, c'est le fruit de mon imagination. Vous savez, c'est très difficile de demander à un romancier pourquoi il crée tel personnage et est-ce qu'il met dedans, est-ce que ça fait partie aussi de sa vie. Parce qu'il y a un personnage qui lui ressemble à Adrien Civictor, et je pourrais presque dire, je me reconnais un petit peu autant chez Victor que chez Adrien. Mais alors justement, ce personnage d'Adrien, avant qu'il n'entre dans ces cercles sionistes, c'est un juif de gauche, athée, entièrement assimilé. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, du profil de ce personnage ? Oui, Adrien et Victor sont deux gamins qui sont nés dans cet arrondissement du 3e, 4e, de grands-parents communistes athées, ça veut dire des militants communistes. Et il est vrai que dans les années 30, 40, 50, il y avait une catégorie de juifs très militants communistes, donc qui n'avaient absolument rien à voir avec la communauté, et qui n'étaient même pas ce qu'on appelle des juifs de Kippour, parce qu'ils étaient vraiment anticléricaux. Et donc lui, Adrien, a été pénétré de cette atmosphère. On peut pas, aujourd'hui, on n'imagine pas qu'il existe ce genre de juifs. À la limite, quand il est arrivé à Libération, on lui a fait comprendre que s'il voulait, le jour du Kippour, du Grand Pardon, il pouvait prendre un jour de congé. On lui a fait comprendre, parce que, bon, on a découvert qu'il était juif. Et lui, il a dit non, pas question, parce que pour lui, il n'avait absolument rien à voir. Mais cela dit, cet anticléricalisme est beaucoup moins prononcé chez les juifs qu'il ne peut l'être chez les catholiques. Comme le dit lui-même votre personnage, je cite page 16, « Grâce à mon milieu familial, nous étions laïcs et progressistes, avec même une pointe d'anticléricalisme. Je ne sais pas comment on dit s'agissant des rabbins. » Donc c'est-à-dire que dans ces milieux-là, malgré un anticléricalisme, il n'y a pas de mot pour désigner cette chose-là. C'est qu'elle n'est pas si profonde que ça. Non, il n'y a pas de mot, mais disons, il y a une espèce de, je dirais pas jusqu'à répulsion, Mais disons, il y a un moment donné aussi dans le livre, même un juif libéral, il dit quasiment c'est un oxymore. C'est-à-dire, en fait, ils sont très loin de ces juifs un peu comme la rue Copernic, ça veut dire un peu intégré, etc. Et on n'imagine pas aujourd'hui ce genre. Je pense que ce genre de juif a disparu aujourd'hui de Paris et de France, parce que ils sont éteints. Ou alors ils se sont totalement assimilés et donc totalement abandonnés la communauté, ou alors ils sont revenus. Mais on appelait les Israélites français. Les Israélites, mais les Israélites, ça a plutôt tendance à signifier des bourgeois intégrés à la culture française, mais qui pouvaient, par exemple, pour moi, les Israélites seraient très bien la rue Copernic. Ça veut dire, ce sont de, quand même qui restent attachés à la tradition. Alors qu'il y a certains juifs qui restent vraiment, qui sont venus quasiment avec des idées trotskistes, enfin, vraiment de la lutte des classes. Voilà. Et lui, il a grandi dans cette atmosphère de lutte des classes. Et il évolue malgré tout dans un milieu ashkénaze. Il va... Non, pas du tout. En fait, en fait, il s'est marié avec Christiane, qui est voilà. Une catholique. Voilà. Enfin, je veux dire, elle n'est pas religieuse, mais ils n'ont plus rien à voir avec la religion. Et ça ne lui a jamais posé de problème. Et il n'a aucun contact avec la communauté. Il ne fête aucune fête. Ça veut dire, même le jour de Kippour, quand on lui a dit « tu peux prendre un jour de congé », il a refusé. Parce que pour lui, il n'avait aucun lien, en fait. Les seules allusions qui commençaient à poindre chez lui sont venues de Annette et d'Alexandra. Voilà. Quelques mois avant le début du roman, à un moment donné, il commence à avoir des contacts presque légers et avec ces deux femmes, journalistes à Libération, et qui vont avoir une certaine importance. Et qui donc l'emmène à cette conférence sur le nouvel antisémitisme cercle Bernard Lazare. Oui, en fait, Alexandra, à un moment donné, pour lui, c'est un peu le symbole d'une femme inaccessible. Bon, d'abord, elle travaille au dernier étage, elle est avec les boss. Et lui, il a une vision des boss un peu mythique, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont tout le temps en déplacement, qui prennent des avions, les hommes emmènent leur secrétaire, ils ont des aventures, c'est fabuleux. Et Alexandra fait partie de ce monde-là. En plus, elle est très secrète, elle a une sensualité assez prononcée, mais elle est inaccessible. Et lui, ne s'est jamais intéressé à elle. C'est-à-dire que lui, pendant ses 20 ans de mariage, il n'a quasiment jamais trompé sa femme, parce que c'était un mec tout à fait correct. Même quand il a travaillé à Libération, qu'il y avait des occasions, il n'a pas cherché à en profiter. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé ni à Alexandra, ni à Annette. Et le jour où il a divorcé, il commençait un peu à vivre son isolement sentimental, sexuel. Ça commençait un petit peu à se réveiller chez lui. Et la rencontre avec Alexandra se fait à la terrasse du café de Libération, et il n'a même pas osé s'approcher d'elle. Et donc c'est Alexandra qui l'appelle et qui lui dit voilà, il y a une conférence à tel endroit, qu'il ne connaissait même pas d'ailleurs, le cercle Bernard Lazare. Qui est un cercle qui existe. Qui existe, oui. Et toute sensibilité sioniste progressiste. Voilà, sioniste de gauche, voilà. Libéral, plutôt ashkénaze, etc. Et lui, pour lui faire plaisir, il se dit il faut que j'aille. Non, elle lui dit, il y a une projection, il y a des photos, il y a une exposition de photos. Donc il se dit, il faut que j'y aille pour lui faire plaisir. Si jamais je la rencontre, j'aurai un sujet de conversation. Et il y a Annette aussi, pour ceux qui connaissent Libération, c'est une, je ne sais pas comment dire au féminin, vieux de la vieille, qui est une ancienne et journaliste juive qui vit souvent aux États-Unis et qui introduit cette culture juive dans Libération, une culture presque laïque, progressiste, etc. Et donc, il décide d'aller à cette exposition, et il tombe sur cette conférence, par hasard. Alors, cette conférence l'ennuie. Oui. Mais, très vite, il va se rencontrer une femme qui lui saute au cou. Quasiment. La rencontre est presque suspecte. Donc, cette femme s'appelle Jacqueline. Oui. Elle est belle, elle est sensuelle. Oui. Elle est très entreprenante. Oui, elle est entreprenante parce que dans ce milieu, j'imagine, en fait, c'est une femme qui a, disons qu'il pourrait avoir 35 ans et qui est célibataire. Et à cet âge-là, bon, elle voit un homme qui... En fait, Adrien, il ne sait pas qu'il est séduisant. C'est-à-dire, c'est un bel homme. Il est grand, il a encore une belle coupe de cheveux. Et il ne connaît pas sa séduction. Et elle s'accroche à lui. Et même quand il s'en va, parce que ça l'ennuie, cette conférence, elle s'accroche à lui et lui propose qu'on aille prendre un verre. Et c'est cette Jacqueline, oui, donc, qui va l'emmener au Mnébrite. Oui, pas exactement comme ça, en fait. C'est-à-dire que Adrien, on imagine qu'au bout de 20 ans de mariage et 2 ans de vie sexuelle presque complètement vide, ou un an ou deux, lui, il est tétanisé à l'idée de sortir avec cette femme. C'est-à-dire d'entreprendre quoi que ce soit, parce qu'il a peur de l'échec. L'échec, d'abord, de draguer et d'avoir une réponse négative. Et même si une fois au lit, de ne pas pouvoir assumer. Il est terrorisé à cette idée. Et donc, il prend cette attitude qu'il va lui réussir, c'est-à-dire il va dire « je m'en fous ». Voilà. C'est-à-dire, je ne lève pas le petit doigt pour cette femme. Et donc, en fait, c'est une tactique qui est très intéressante, parce qu'elle attire la femme aussi, par certains côtés. Et donc, c'est la femme qui va faire tout le travail. Elle l'emmène prendre un verre, il finit sous le lit, mais en fait, ce n'est pas ça qui va déterminer la chose. Ce qui va déterminer la chose, c'est que lui, il se dit, bon, ben voilà une bonne chose de faite. Le lendemain, j'ai rendez-vous chez mon ami Victor et je vais rencontrer une beurette qui s'appelle Naïm. Enfin non, je vais aller voir mon ami Victor qui a une copine Aïcha et ils vont me présenter une beurette. On ne peut pas tout raconter ici. Il appelle Jacqueline qui lui dit, ben écoute, viens ce soir. Et c'est là où il va se passer un week-end torride et qui va le bouleverser sexuellement parlant. Et c'est là, quand elle lui dit « je t'emmène au Mnébrite », il s'est dit « je ne peux pas lui dire non, ce n'est pas possible ». Et puis, il ne sait pas ce que c'est. À un moment donné, il dit « si j'avais regardé dans Google ce que c'est le Mnébrite », imaginez, il ne sait même pas ce que c'est le Mnébrite. Enfin, tellement il était à côté de la plaque. Ben, il se dit, bon, je vais y aller quand même, voilà. Et d'ailleurs, Jacob, qu'est-ce que c'est le Mnébrite ? Le Mnébrite est une franc-maçonnerie juive qui a été créée en 1840 et quelques aux États-Unis et qui, au départ, ne réunit que des juifs, francs-maçons. Au départ, elle ressemblait beaucoup à une franc-maçonnerie réelle, c'est-à-dire avec le symbolisme qui est propre à la maçonnerie. Et petit à petit, elle a perdu... ce côté maçonnique, d'ailleurs, aujourd'hui, on ne le considère pas, enfin, on dit la franc-maçonnerie juive, mais n'a rien de maçonnique. C'est-à-dire, une réunion du Mnébrite n'a rien de... Il n'y a aucun rituel, il n'y a aucune initiation, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est une organisation qui compte 500 000 membres à travers le monde. C'est, en général, à partir de la classe moyenne, moyenne supérieure, jusqu'au sommet. Donc, on imagine ce que ça peut être comme organisation. Et depuis 1948, elle est totalement dédiée à la défense d'Israël. Et c'est ce qui sous-tend le tissu communautaire juif ? En partie, parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas faire partie du Mnébrite. D'abord, c'est très cher, donc il y a une sélection par l'argent. C'est pas excessif, mais en fait, disons, un ouvrier ou un instituteur, il pourrait peut-être pas se permettre. Et donc, c'est une certaine élite sociale. Et je crois qu'aussi, c'est fait dans ce sens-là, que ce soit une élite financière, sociale et culturelle. Et il est vrai qu'en général, on peut grosso modo dire que la plupart des juifs intégrés qui se considèrent comme juifs et qui veulent appartenir à la communauté et qui ont ce niveau, en général, ils appartiennent au Mnébrite. Alors, avant d'aborder, oui, le lien entre l'ambassade d'Israël et le Mnébrite, oui, qui existe dans votre livre, je voudrais aborder une autre question. Vous entretenez une ambiguïté à propos de la rencontre avec Jacqueline, oui, donc cette femme qui va l'emmener au Mnébrite. Et jusqu'au bout, vous entretenez l'ambiguïté. Est-ce que cette rencontre est fortuite ou est-ce qu'elle a été pilotée ? Non, elle est fortuite. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point, disons, au moment où la jeune femme, Jacqueline, se rend compte que c'est parce qu'il présente sa carte de de chroniqueur à Libération. Et quand il a voulu sortir l'argent pour payer, 5 euros ou quelque chose, l'hôtesse lui dit « Ah, vous êtes journaliste, donc c'est gratuit pour vous. » Et donc, il s'appelle Alain Bert, et donc c'est un nom juif, Ashkenaz, et donc il porte pas d'alliance. Et donc Jacqueline lui saute dessus. Je ne sais pas qu'elle l'emmène chez elle, mais enfin, elle a envie de le connaître. Parce que c'est une occasion unique. Mais c'est elle qui le coopte. Ah oui, oui, oui. Oui, en fait, c'est-à-dire que le fait de... Si elle l'avait rencontré ailleurs, ne sachant pas qu'il est juif, elle ne lui aurait pas sauté dessus. Et son parcours à votre personnage, oui, ne se fait au sein du Bnei Brit que par Jacqueline. Ah, tout à fait. Tout à fait, parce qu'après, il va y avoir le Bnei Brit, et puis elle va l'emmener chez Jacob Meyer, un ancien qui est toujours du Bnei Brit, un ancien président de la loge. C'est là où il va faire d'autres connaissances, et ainsi de suite. Non, je vous pose cette question parce qu'on sait que les femmes sont souvent utilisées dans des stratégies de recrutement, comme ça avait été le cas avec le journaliste Roger Haut qui avait été recruté. Oui, sauf que en fait, c'était pas quelqu'un qui... comment dire, lorsque Alexandra et Annette lui ont suggéré d'aller faire un tour, elle ne pensait pas, je ne crois pas qu'il y ait eu une espèce de complot entre Jacqueline, Alexandra, etc., pour lui mettre le grappin dessus et l'amener à ça. Et je pense que c'était un hasard. Voilà. Alors sur ces réunions oui, à laquelle assiste Adrien par l'entremise de Jacqueline, j'ai là un extrait de votre livre, hein. Je vais le lire pour que les auditeurs comprennent bien l'ambiance de ces réunions. Il eut un cocktail. Ces gens-là avaient une espèce de nature double. C'était vraiment curieux. Avant et après la réunion, c'était des gens « normaux », entre guillemets, dans le sens où leur sujet d'intérêt était standard, politique, financier ou culturel, en passant par la mode ou l'échange de recettes, sans oublier les bons mots à connotation séductrice qui soulevaient une hilarité appuyée, du classique. Alors que pendant la réunion, ils n'avaient qu'une obsession, comme s'ils étaient ou redevenaient israéliens. Leur identification à ce pays était stupéfiante. Ils montraient une telle implication et un tel soutien, je dirais presque un patriotisme que l'on ne voit même plus en France depuis des décennies, et un esprit de sacrifice qui forcerait l'admiration s'il ne concernait un pays étranger et s'il ne paraissait en partie décalé. Donc ce sont bien dans ces réunions que Adrien se rapproche de cette, oui, cause qu'est le sionisme. Oui. Et il n'y a rien de religieux, surtout, dans ces, oui, réunions. Ah oui, il n'y a rien de religieux. Si vous allez... j'ai eu la chance de participer à quelques réunions du Bnei Brit. Il n'y a personne qui porte la kippa. Enfin, je veux dire, en général, ils ne sont pas religieux, ils ne font pas des prières, etc. Mais il y a, comment dire, une espèce de judaïsme laïque c'est cette identification à Israël qui est assez étonnante. En fait, ce sont des gens qui... comment dire, ils n'ont rien, enfin, ils sont très loin du judaïsme et de ses règles et de ses lois, mais à partir du moment où ils parlent d'Israël, ils se transforment en patriotes absolument incroyables, et lui, il découvre ça qu'il n'avait jamais connu, parce que c'était quelqu'un qui n'avait jamais vibré de cette façon-là pour ce pays. D'ailleurs, il dit qu'il ne le connaît même pas. D'ailleurs, la loge s'appelle la loge Jabotinsky. Ouais. Donc, du nom du père fondateur, voilà, du sionisme révisionniste. Voilà. Donc, le sionisme le plus à droite, oui, quelque part. Et lui, qui est un homme de gauche, qui travaille à Libération, ça ne le choque pas outre mesure. Non, en fait, c'est-à-dire... Il devient identitaire, en quelque sorte. D'ailleurs, vous, oui, l'écrivez... mais il le devient de façon presque innocente. En fait, quand il lui dit, quand le président de la loge, il se rend compte qu'il ne connaît pas Jabotinsky. Il lui dit, mais vous savez, c'est un honneur extraordinaire de s'appeler Jabotinsky. Mmh. Lui, il dit, heureusement que je n'ai rien dit, parce que je pensais que c'était un peintre obscur polonais. Mmh. Et donc, il est complètement... Enfin, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui tombe des nues à chaque fois. Et donc, il se dit, Jabotinsky, lui ça ne lui dit rien. S'il avait connu tout ça, bon, il aurait pris ses distances, enfin, en tout cas, il aurait agi autrement ou différemment. Voilà. Alors, il y a cette scène également qui, oui, me semble être une scène clé. Oui. C'est le moment où Adrien va devoir... rédiger un article sur le boycott, voilà, des produits israéliens. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous décrire cette scène, puisqu'elle fait la connexion maintenant avec l'ambassade d'Israël, puisqu'il y a un personnage oui. que vous introduisez. Oui, en fait, lui, il dit à un moment donné, et il dit, j'ai eu l'impression, enfin, on m'a donné une espèce de devoir à faire. Et c'est comme quand on rentre dans un gang, il faut commettre un délit pour être accepté. Mmh. Et donc, lui, il savait très bien que, en fait, ce qu'on lui demande, c'est une espèce d'engagement, de montrer qu'il s'engage et qu'il donne, comment dire, qu'il adoube la position officielle sur Dieudonné. Son article sur Dieudonné n'apporte, enfin, pardon, parce qu'il va écrire aussi sur Dieudonné. Mmh. Son article sur le boycott, il n'a pas une valeur extraordinaire en tant que tel, au fond. Mais, disons, c'est une façon de le mettre, de l'enferrer dans l'engagement. Alors, oui. Pour préciser, il travaille aux pages culture donc, oui. de Libération. Et ce qui est intéressant, c'est toute la subtilité, c'est-à-dire d'arriver à produire un article sioniste tout en maintenant le camp de la paix, un certain vocable progressiste de gauche, tout en faisant passer une idée intégralement pro-israélienne. Là, je crois que, Xavier, vous avez fait un petit saut. C'est-à-dire, au départ, il ne travaille pas aux pages culture. Il fait partie d'une équipe, oui ou non, enfin, les buts, de manière générale, les budgets, etc. Enfin, bon. Mais en fait, on va l'amener à travailler dans les pages rebonds. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faites allusion. Voilà. Et c'est là où il va comprendre le rôle exactement. Et moi, ça m'a toujours intrigué, ces pages rebonds, dans la réalité, et comment elles servent à défendre la légitimité d'Israël tout en donnant quelques os à ronger aux gens de gauche. Et on peut éventuellement entrer dans le détail. Et il y a un écrivain qui s'appelle Abraham Ben Yehoshua, qui est la coqueluche de Libération, et qui écrit régulièrement dans Libération pour dire il faut faire la paix, la colonisation, c'est horrible, c'est pas bien, etc. Par contre, Libération ne donne jamais la parole à Shlomo Sand, par exemple. Et donc, en fait, il comprend que ce type d'Abraham Ben Yehoshua qu'il a rencontré à deux reprises, à Paris et à Bruxelles, c'est une vitrine pour montrer qu'il existe un Israël progressiste, humaniste, socialiste, et pour donner au lecteur, à cette gauche qui risquerait de poser la question de la légitimité d'Israël, finalement, et de se dire pourquoi cet État a été créé, enfin, c'est aberrant. Voilà ce que ça donne. Et donc, en fait, ces pages rebonds, elles servent à construire une image d'Israël qui peut être, même s'il y a des déficiences en termes de colonisation, d'occupation, mais il y a quand même un camp qui peut arranger les choses. Voilà. Et pour donner cette espérance qui, en réalité, si on veut voir les choses, elle est... Un enfumage. C'est un enfumage, voilà. Et d'ailleurs, en fait, moi, ça m'a toujours intrigué, pourquoi j'écris sur Libération. Parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis posé la question en quoi Libération est un organe qui défend Israël, finalement. Voilà. Et le point de départ, c'est ça. Après, c'est le travail du romancier, d'inventer un personnage, et de le situer, etc. Mais au départ, c'est ça. C'est-à-dire, j'étais un grand lecteur de Libération, et je me disais, finalement, comment un journal qui appartenait à Rothschild et BHL, et après à Patrick Drahi, quelle est sa fonction réelle vis-à-vis d'Israël? Et vous remarquerez, si je peux juste prendre une minute ou deux, vous remarquerez que Libération n'attaque jamais Israël sur des points fondamentaux. Exemple. Combien de lecteurs de Libération savent que le système éducatif en Israël est double? C'est-à-dire, il y a un système de la crèche au bac, il y a un système arabe et un système juif. Dans aucun pays au monde, un tel apartheid scolaire n'existe, sauf en Israël. Et le système éducatif juif reçoit 3-4 fois plus de budget, etc. Bon. Deuxième chose, très peu de lecteurs de Libération savent, par exemple, qu'il y a la détention administrative. Libération peut faire 3-4 pages sur les Pussy Riot, mais il ne fera jamais 3-4 pages sur une femme, sur une députée qui est détenue administrative, etc. Donc, en fait, le travail de Libération, c'est d'occulter les choses graves pour donner un os à ronger qui est l'occupation et dont les gens finissent par se dire « Oui, bon, ça va, ça suffit comme ça. » C'est surtout une double éthique puisque le journal propose pour les Français ce qu'il refuserait absolument pour les Israéliens. Oui, en fait, c'est tout ce travail soit de dissimulation, soit d'arrangement avec la réalité, mais dont les gens ne sont pas conscients, en fait. C'est ça, dont le lecteur moyen de Libération ne se rend pas compte. Et je me suis rendu compte à quel point ces organes de gauche font ce boulot pour Israël. Le jour où, un mois avant les élections qui ont eu lieu il y a 2 ans, je crois, en Israël, il y a une amie qui m'a dit « Oh, il y a une double page, une interview des deux chefs du Parti travailliste dans Marianne, et qui parle de la paix si on arrive au pouvoir, etc. » Elle était, c'est une femme de gauche, mais elle était enthousiaste. Et c'est là où je lui ai expliqué, mais non, justement. Et tout à coup, elle a compris, enfin, elle a réalisé. C'est comme si la lumière s'est allumée dans son esprit. Jacob, parlons un peu de ce personnage qui est un personnage central dans votre livre, c'est ce fameux Sulitzer, attaché culturel à l'ambassade d'Israël. Il est présent lors de la réunion où on demande à Adrien de rédiger un article pour Libération sur le boycott israélien. Donc, pour moi, hein, c'est comme ça que j'ai vu les choses dans votre livre, c'est à ce moment précis, à cette réunion, que Adrien devient un Sayan au sein de Libération. C'est-à-dire qu'il va défendre les intérêts d'Israël au sein de ce journal. Non, pas encore. Parce qu'en fait, un Sayan, si vous prenez tous les membres de la loge Jabotinsky, il n'y a que 4 Sayanim. Parce qu'en fait, un Sayan, c'est quasiment, on monte au degré supérieur. Ça veut dire on devient un vrai agent qui obéit à certaines instructions, etc. Et tout le monde ne peut pas être un Sayan. Même Jacqueline ne l'est pas. Donc, en fait, le papier qu'on lui demande d'écrire contre le boycott du cinéma israélien, c'est un début, c'est pour l'attirer. Et puis, comme ça marche, on lui demande d'aller le voir au bureau. Et au bureau, il a une très longue discussion sur qui est juif. Et à un moment donné, Sulitzer lui dit « Qu'est-ce qu'on a en commun, toi et moi ?» Et Adrien ne sait pas quoi répondre, parce qu'apparemment, il n'y a rien de commun. Et puis, donc, il l'amène à la défense du peuple juif, etc. Et puis, il lui dit « Pourquoi c'est Israël qui se préoccupe du peuple juif ?» Enfin, et donc, à l'issue de cette réunion, Sulitzer lui dit « C'est le chef des Sayanim. » Et en France. Et donc, il lui dit, voilà, maintenant, il faut s'engager. Est-ce que tu es prêt à combattre à nos côtés, c'est-à-dire, mais à obéir, etc. Alexandra le fait. Et là, il s'est dit, je peux très bien... Il a un cas de conscience. Il réalise qu'il peut très bien sortir et dire, bon, ben, salut, merci, ça ne m'intéresse pas. Après tout, il est libre. Mais il voit tout à coup ce qu'il peut perdre, c'est-à-dire Jacqueline, le Mlamrit, cette nouvelle vie, etc. Et puis il se dit, après tout, je peux toujours partir quand je veux. Alors il lui dit d'accord. Voilà. Et c'est là où il donne l'engagement de devenir assain, c'est-à-dire de recevoir des instructions et d'obéir à ces instructions. On devient un agent. Et en fait, les Sayanim sont une minorité parmi ces gens-là. C'est une sélection... Ce n'est pas une sélection dans le fait, c'est quel service on peut rendre. On se rend compte qu'Adrien peut rendre certains services, et donc on l'intègre, on le recrute comme Sayan. Et en parallèle, l'ambassade israélienne, donc le fameux Sulitzer, sait que Libération va être pris par un milliardaire israélien qui s'appelle Patrick et qu'on devine être Patrick Drahi. Et on voit très bien dans votre livre qu'en fait, il s'agit pour Sulitzer de voir si Adrien peut devenir un cadre du futur Libération. Peut-être pas encore un cadre comme Alexandra, mais disons quelqu'un qui peut remplir certaines fonctions. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin... la fonction qu'on va lui donner, c'est-à-dire de s'occuper des pages rebonds, est très importante. Parce qu'elle est au cœur des pages qu'on ouvre au débat. Et donc, c'est très important d'apprendre comment on répartit ces pages, à qui on les accorde, etc. Et donc, on va le former à ça. Après, peut-être, il aura une promotion. D'ailleurs, à un moment donné, Soulidière lui dit, si je peux peut-être faire... Vous faire promouvoir. Et là, il se dit, il se fiche de ma gueule, parce que il pète tout, ce gars-là. Voilà, c'est un type impressionnant, avec des costumes, oui. Qui fume le cigare, qui oui. boit des whisky secs, qui va vite. C'est une nouvelle. Il va rencontrer un peu la garde rapprochée de Patrick Drahi, entre parenthèses. Et donc, c'est une nouvelle génération qui va prendre le pouvoir, au sein de Libération, mais on peut imaginer au sein des autres médias. Et lui, c'est un peu le petit qui arrive devant ce monde extraordinaire, brillant, etc. Mais en même temps, il sait qu'il a un bout de pied dehors quand même. Il se laisse pas. Il garde quand même, je crois, il garde une petite lucidité quelque part. Jacob, je vous cite. Oui. Parlons clair. Nous menons une bataille pour la survie. On n'y arrivera pas si on disperse nos énergies ou si on se tire dans les pattes. Imaginez le nombre d'institutions juives de par le monde. Il nous faut donc un centre de coordination et pour ce qui est de la France, ce centre se trouve ici, dans ce bureau, l'ambassade d'Israël. Voilà. À partir du moment où on accepte ces prémices, on se soumet à un minimum de discipline. Pour le bien de tous, Alexandra, par exemple, comme des centaines d'autres, l'a bien compris et n'y a rien trouvé à redire. C'est ainsi, Jacob, que vous définissez le réseau voilà. juif en France. Voilà. C'est-à-dire que le chef des Sayanim, il explique à Adrien, qui a des hésitations, etc., il lui dit, voilà, on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est comme ça. Et à un moment donné, il lui dit, ça c'est le refrain traditionnel et que les sionistes aiment, nous sommes en guerre. Voilà, c'est eux ou nous. Et donc Adrien, il est acculé parce que ce sont des choses auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non. Il n'y a pas oui, peut-être, etc. Donc il lui met le marché en main, effectivement, oui. Et alors Jacob, tout ne va pas se passer comme prévu pour Adrien. Oui. Il va tomber sur un os, comme on dit. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Racontez-nous. Bah, en fait, tout allait très bien. C'est-à-dire, il commençait même à se dire, pourquoi pas, enfin, il commençait même à rêver d'Alexandra, sauf le jour où il l'a vu venir avec un playboy avocat international en Porsche. Ils ont fait Paris-Bruxelles en Porsche. Et là, il comprend que vraiment, pour lui, c'était trop. Mais à part ça, tout se passait pas mal. Mais il va rencontrer il ne rompt pas avec son ami Victor. C'est ça qui le sauve. C'est-à-dire que Victor est son... C'est un ami d'enfance avec qui il a partagé énormément de choses. Et bien qu'ils soient vraiment différents, qu'ils aient des trajectoires différentes et opposées, il continue à le voir et Victor lui garde une sympathie particulière. Mais il n'ose pas lui dire, évidemment, qu'il appartient au Bnei Brit et qu'il est le Sayan, etc. Et donc, il va chez lui, il va rencontrer une beurette, Naïma, et il va lui acheter un cadeau, parce qu'on va l'envoyer en Israël pour 3-4 jours pour l'enfoncer encore, pour le rattacher encore davantage au système. Et puis, il va rencontrer il a acheté un cadeau comme ça, spontanément, et il va le lui donner. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe en lui, il se dit... Il a envie de, comment dire, de prendre la vie d'une autre façon. C'est-à-dire, sa vie bascule à un moment donné. C'est-à-dire, il se laisse prendre par cette atmosphère de séduction, de relations. Ce qu'il ne faisait pas avant, il va un peu tomber là-dedans. Il va commencer à mettre des costumes un peu de journalistes médiatiques connus, etc. Et il va se dire, pourquoi ne pas jouer ce jeu-là, voilà. Il devient entreprenant. Voilà. Et en fait, lui, il se rend compte qu'il le devient presque, enfin, je dirais presque malgré lui. C'est-à-dire, à un moment donné, il va se rendre compte que lui, qu'on mettait de côté au sein du journal, on lui parlait jamais des histoires de cul, de relations avec les autres, etc. Il va réintégrer le fait d'avoir une très belle relation avec Jacqueline, va lui donner une espèce de séduction naturelle qui va jouer, c'est-à-dire dans ses... Il va plaisanter, il va sourire, l'hôtesse de Libération va lui rendre son sourire, etc. Et donc, en fait, il y a un phénomène qui se produit. À un moment donné, il dit, finalement, je vais utiliser son vocabulaire, il n'y a que les grands baiseurs qui réussissent dans la vie. C'est-à-dire, en fait, les boss sont toujours ceux qui ont eu une vie sexuelle débridée. Pas le petit, parce qu'en fait, à un moment donné, il va commencer presque à faire un parallèle entre une vie sexuelle morne et classique, comme son mariage, et le fait qu'il n'ait jamais eu d'ambition. Et le fait de connaître une sexualité totalement débridée, extraordinaire, fabuleuse, ça va ça lui donne une espèce de goût, une autre ambition, une autre façon de voir le monde. Et une espèce de séduction presque naturelle vis-à-vis des autres. Les autres vont le regarder autrement. Et je pense peut-être, c'est tout à l'heure, vous m'avez demandé si ma vision d'Adrien se rapprochait un peu d'une vision personnelle. Il est possible que, en tout cas en France, je ne parle pas des pays anglo-saxons, enfin encore que, en France, il est vrai que la séduction, en général, elle est liée au pouvoir. Et tous les hommes de pouvoir ont eu une séduction effrénée. C'est une façon pour eux d'assumer leur pouvoir. Et peut-être ça aussi, c'est une idée qui m'a guidé en écrivant sur Adrien. Et c'est ça qui va, le pousser, lui donner l'envie de draguer Zedheim. Voilà. Il se dit pourquoi pas en fait. Il sort de sa réserve. Alors justement, moi, il y a un aspect du livre, je ne vous le cache pas, hein, Jacob, oui. qui m'a un peu, surpris, oui. peut-être un peu plus, et qui surprendra certainement nos lecteurs. Ce sont ces scènes de sexe que vous décrivez avec oui. force et détail. Mmh. J'aurais presque envie de dire, pourquoi ? Pourquoi les avoir écrites ? Est-ce qu'elles servent réellement l'histoire que vous racontez ? Ah oui. Vous savez très bien, enfin, c'est mon 10e ou 11e roman. Il y a un seul roman où il y a des scènes de sexe comme ça, c'est L'espion et le journaliste. Et ça avait un sens. Je crois que je ne verse pas dans... je ne cherche pas à attirer un public en lui offrant un bonus, comme dans les films français en général. Les films français ont toujours 10-15 minutes de bonus sexuel. Voilà. Ce qui ne se fait pas dans les autres films. Par exemple, si vous prenez le cinéaste québécois Dolan, j'ai vu un triangle amoureux de 2 heures, on n'a même pas vu une scène. Alors que les Français, il faut toujours qu'ils fassent des scènes, etc. Mais si j'ai fait ces scènes, c'est pour montrer ce que pour lui cela a représenté. C'est-à-dire, par exemple, une fellation, pour dire les choses comme elles sont, c'était quasiment une révélation biblique. Il en rêvait, il fantasmait, enfin, c'était pour lui, c'était quelque chose d'absolument inimaginable, inaccessible, etc., même inconcevable, et ça lui arrive. Mais ça, c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, ça explique le fait qu'il est versé, c'est pas parce qu'il a couché avec Jacqueline qu'il va se dire, je t'accompagne, etc. Non, elle lui fait des choses, il est complètement happé. Par cette vision. Et ça lui donne et cette nouvelle vie sexuelle, il lui en est absolument reconnaissant. Et cette nouvelle énergie, cette nouvelle vision, elle va le transformer. Donc c'était important pour moi de donner ces détails. C'est pas du tout pour faire pour donner un peu du piment à l'histoire. Et Jacob, il y a un personnage que vous citez également dans votre livre, notamment dans les éditos que rédige le journal Libération, c'est Dieudonné. Dieudonné, c'est un point de focalisation pour la communauté juive, et vous le décrivez bien dans votre livre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, j'ai voulu prendre cet exemple d'un personnage. Comment Libération participe au travail de démolition de Dieudonné, et comment Dieudonné est perçu au sein de la rédaction. C'est-à-dire, il n'y a que Jean-Claude, un copain un peu mystérieux de son bureau, qui pourrait penser différemment, mais il n'ose pas le dire. En fait, il y a une espèce de silence qui se fait quand il parle de Dieudonné. Mais quand lui, il va jusqu'à aller voir le spectacle de Dieudonné. Il se dit, après tout, pourquoi pas. Il rit, mais il n'ose pas. Enfin, après... Jean-Claude. Adrien. Adrien, il va voir le spectacle de Dieudonné. À un moment donné, il va voir le spectacle, il se dit... Parce qu'en fait, c'est ça aussi, ça part de lucidité quelque part. À un moment donné, il parle de sa part d'ombre. C'est très important, sa part d'ombre. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il est réellement et c'est ce qu'il découvre. En fait, chacun a sa part d'ombre. Et lui, il est en train de la découvrir. Cette part d'ombre qui était cachée pour des tas de raisons. Mmh. Donc finalement... on lui dit d'écrire sur Dieudonné, et en fait, je cite, quand Adrien dit à Soulidzer, mais sur quoi je vais écrire, tout a été dit, et il dit, si, un point intéressant, le jeudi, il y a scène ouverte, donc tu vas écrire sur cette soirée et montrer le lien qu'il y a entre ces jeunes qui débordent d'antisémitisme avec les soirées de notre ami Jamel, qui sont de l'humour, etc. Voilà. Et bon, finalement, il écrit parce qu'il obéit. Il se rend compte qu'Alexandra aussi écrit. Et à un moment donné, il se dit, je vais y aller. Voilà. Et donc, pour moi, c'était un signe que quand même, c'était quelqu'un qui n'était pas totalement perdu. Voilà. C'est-à-dire, il y avait une petite, comment dire, une étincelle d'insoumission, de résistance ou d'originalité. Et à contrario, il y a un grand absent dans votre livre. Oui. C'est une institution qui a une prédominance dans la vie politique française, c'est le CRIF. Oui. Vous n'en parlez pas. Tout à fait, oui. Et pourtant, je crois savoir que le CRIF a un lien très prégnant avec le Bnei Brit. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, quelle est la nature de ces liens ? En fait, le CRIF, c'est une association, enfin, c'est la réunion de diverses associations. Mais à titre individuel, la plupart des membres du CRIF et des autres associations font partie du Bnei Brit. Donc, en fait, si à titre individuel, on fait partie du Bnei Brit, deux loges différentes, etc. Parce qu'il y a plusieurs loges au sein du Bnei Brit. Mais le CRIF, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, lui, il n'a pas encore eu le temps, probablement, de faire partie du CRIF. Et il n'aurait pas, à quel titre il aurait été membre du CRIF. C'est-à-dire que le Bnei Brit étant lié au CRIF, en tant que membre d'une loge du Bnei Brit, il est relié, mais le CRIF ne fait pas d'assemblée plénière. Ça veut dire que le CRIF est une réunion d'association. Donc en fait, il faut être quelque part un dirigeant ou un représentant pour faire partie, pour être représenté au sein des instances du CRIF. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc en fait, lui, il fait partie de la base, enfin. De ceux qui, d'une des associations, le fait d'appartenir au Bnei Brit, il n'a pas besoin d'appartenir au CRIF, ni au consistoire, ni à d'autres institutions. Alors ce que tu me disais, Xavier, c'est que le CRIF, en quelque sorte, ce serait la vitrine, et le Bnei Brit, c'est le réseau, c'est la réalité du réseau. Pour prendre un cas qu'on avait évoqué la dernière fois, on va prendre par exemple... Gilles Taïeb, oui. Qui est vice-président du CRIF. Bon, il préside une association qui est membre du CRIF, qui est l'association de bien-être du soldat israélien. Voilà. Parallèlement, il est dans une loge maçonnique qui s'appelle l'Étoile de la Paix au Grand Orient de France, et parallèlement, il est membre du Bnei Brit. Voilà, mais le CRIF, c'est la partie visible, et sans compter qu'il peut avoir son épouse, je crois, des responsabilités à la mairie de Paris, où lui en a eu, et par ailleurs, il est dentiste. Donc voilà, donc pour voir un peu comment ça se passe. Mais la partie visible de l'engagement communautaire va être le CRIF et l'Association de bien-être du soldat israélien. La partie disons, souterraine de cet engagement communautaire, c'est-à-dire non visible du public, va être la tâche au Bnebrit ou la tâche au Grand Orient. Oui, en fait, les organisations de base qui forment l'ossature de la communauté, c'est le Bnebrit, le consistoire, les synagogues, enfin diverses associations, d'accord ? Mais ça, ce sont... On fait partie de la base. Maintenant, ces associations ont des représentants. C'est-à-dire que, comme Gilles Taïeb, etc., montent les échelons et deviennent des représentants. Mais tous les membres de la loge Jabotinsky, par exemple, auquel appartient Adrien, ne font pas partie du CRIF. Le CRIF est une réunion au sommet des associations, des représentants des associations. Voilà, le Bnebrit est représenté au CRIF comme association. Donc, il envoie des représentants, etc. Or, Adrien n'a pas encore, il n'est pas encore arrivé en haut de l'échelle. Peut-être s'il était resté quelques années et président de la loge, peut-être qu'on l'aurait envoyé à être représenté au CRIF. Oui. Alors, pour les auditeurs qui connaîtraient pas du tout le sujet, qu'est-ce que signifie en français Bnebrit? Ah, les enfants de l'Alliance, les fils de l'Alliance. Les fils de l'Alliance. Et alors, l'Alliance. L'Alliance entre Dieu... C'est la Brite. Donc, oui. Brite, qu'est-ce que c'est cette alliance? Brite, c'est la circoncision. Voilà. Donc, l'Alliance, c'est la circoncision au huitième jour. Donc, voilà. La circoncision, c'est le signe de l'Alliance entre le peuple juif et c'est la matérialisation de cette alliance. Voilà. Oui. Et donc, Bnebrit, c'est les fils de l'Alliance, mais l'Alliance en référence à cette action qui symbolise l'appartenance du nouveau-né, du garçon, son intégration au peuple juif. Voilà. Ils ont pris ce nom, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Jacob, un aspect qu'on n'a pas encore abordé, votre roman est un roman à clé, c'est-à-dire que vraiment... Pour ceux qui savent lire entre les lignes, qui s'intéressent à ce qu'est le journalisme, l'actualité, tous les personnages existent. Alors, vous modifiez le nom, soit vous ne donnez pas le nom de famille. C'était très important dans votre démarche d'écriture. Oui, cette fois-ci, contrairement à un autre roman sur les Sayanim, les personnages de Libération, ils apparaissent tous avec un prénom seulement. Et donc, il faut être assez familier du journal pour découvrir. En fait, les histoires, les CV de ces personnages sont quasiment réels, enfin, sont quasiment véridiques. Voilà. Et par contre, les autres, quand on écrit un roman, il faut jouer un peu avec la réalité aussi, parce qu'on ne peut pas non plus plaquer des personnages qu'on connaît, qu'on a en vue, qu'on imagine dans la réalité, parce que parfois ça ne colle pas. Voilà. Donc il faut les arranger un peu. Et tous ces personnages qui sont de gauche, qui travaillent à Libération, qui sont malgré tout donc liés à cette organisation souterraine, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit à quel point cette organisation est rigide, intransigeante, intolérante, et que c'est la raison de son succès. Oui, ils sont quand même assez nombreux et bien introduits, mais surtout, il y a cette unité. Ils ont vraiment un idéal commun, ensemble, ils travaillent tous, ils obéissent au même chef, et c'est ça qui fait leur succès. Je crois que c'est une leçon qu'ils peuvent nous donner, c'est une leçon qu'on peut prendre de là, c'est-à-dire que la réussite d'une entreprise dépend aussi de la foi et de l'organisation et de l'unité. C'est vrai que ce sont des gens qui, au-delà de toutes les différences, de toutes les sensibilités, finalement, ils se réunissent pour une chose, avec une foi extraordinaire. Jacob Cohen, nous laisserons nos auditeurs découvrir votre livre « Confession d'un Sayan » disponible aux éditions Contre-Culture, donc sur le site contreculture.com. Donc un livre de 190 pages avec une belle couverture de Marie. Vous avez un livre en préparation en ce moment? Tout à fait, oui. Vous pouvez nous en dire, nous donner quelques indices peut-être sur la trame de ce livre? Comment on peut enfanter d'un d'un holocauste, disons, grandeur nature, un petit holocauste pour maintenir le système. Eh bien, nous vous recevrons à nouveau pour ce livre, avec beaucoup de plaisir. Et je crois d'ailleurs que vous allez à la rencontre de vos lecteurs oui. prochainement, à la librairie oui. Facta. Donc, la librairie Facta, le samedi 4 juin, de 14h30 à 18h. Et Xavier va nous donner l'adresse. Au 4 de Clichy, dans le 9e arrondissement de Paris. Voilà. D'accord, ben voilà, le rendez-vous est donné. Jacob Cohen, merci beaucoup. C'est moi. Et à la prochaine. À la prochaine. Xavier, merci à toi de m'avoir accompagné dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine, merci Vincent. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Stéphane Blais. Son album Figure Libre est disponible sur le site contreculture.com. Il joue pour nous aujourd'hui Gymnopédie numéro 1 d'Éric Satie. Bonne écoute à tous, à la semaine prochaine.